بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس ونواصل اليوم في حديث أبي هريرة On continue aujourd'hui le hadith de Abi Huraira رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو Il dit donc le prophète صلى الله عليه وسلم Il invoquait اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال Et donc il disait صلى الله عليه وسلم Oh Allah J'implore ta protection Je me réfugie auprès de toi contre le châtiment de la tombe, le châtiment du feu, contre la fitna, contre l'épreuve de la vie et de la mort, et contre la fitna du Messie Houd-Dajjal. Wal Messie Houd-Dajjal kafirun hayyun baqin fi ihdal juzur. Et donc le Messie Houd-Dajjal, il est un mécréant qui est vivant, nous croyons au fait qu'il est vivant, et qu'il reste donc sur une île, parmi les îles. وَخُرُوجُهُ عَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ Et la sortie de ce Messie Houd-Dajjal fait partie des signes de la fin des temps. جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِتْنَةً عَلَى عِبَادِهِ Allah Ta'ala a fait que le Messie Houd-Dajjal soit une épreuve pour ses serviteurs. فَيَدْعُ السَّمَاءَ فَتُمْتِرْ وَيَدْعُ الْأَرْضَ فَتُنْبِتْ Et donc le Messie Houd-Dajjal, lorsqu'il sera sorti, il va donc appeler les cieux et il va pleuvoir. Il appelle la terre qui fera pousser donc des subsistances parmi les plantes et autres. وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَى عِبَادَتِهِ Et le Messie Houd-Dajjal, il va appeler les gens à l'adorer, lui, en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وَجَاءَ فِي السُّنَّةِ أَنَّهُ يَقْتُلُ شَابًّا يَقْطَعُهُ شِقَّيْنِ لِكَوْنِ هَذَا الشَّابْ قَدْ كَفَرَ بِهِ Et donc, il a été rapporté dans la sunnah que le Messie Houd-Dajjal, il va tuer un jeune. Il va le couper en deux à cause du fait que ce jeune a mécru en lui. فَيَدْعُ هَذَا الشَّابْ فَيَلْتَحِمُ جَسَدُهُ فَيَكُومُ وَهُوَ يَكُولُ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ الدَّجَّالُ Et donc le jeune, et donc le Messie Houd-Dajjal, après avoir coupé ce jeune en deux, il va l'appeler. Son corps va se rassembler, ce jeune va se lever et dira « Certes, j'atteste que tu es le Dajjal. Wa mazdadtu fika illa yaqinan. Et je ne fais qu'augmenter en certitude te concernant. Fayaktuluhu marratan ukhra bi nafsi at-tariqa. Alors le Dajjal, il va à ce moment-là, il va le tuer encore de la même façon. Thumma yad'uhu fayaltahimu jasaduhu. Fayakumu fayakulu mazdadtu fika illa yaqinan. Et donc le Dajjal, il va le tuer de la même façon, il va l'appeler, son corps va se rassembler, le jeune va se lever une deuxième fois en disant je n'ai fait qu'augmenter en certitude te concernant. Fayuhawilu ad-Dajjal qatlahu al-thalitha fayu'jizu an qatlihi. Et donc ensuite le Dajjal, il va essayer de le tuer une troisième fois, mais il n'aura pas la capacité de le faire. فالدجال فتنة عظيمة Et donc le Dajjal est une très grande épreuve. واسمه مأخوذ من الدجال Et son nom, الدجال, son nom est tiré du mot الدجال. والدجال هو الكذب والتضليل Le mot الدجال en arabe, c'est le mensonge et le fait d'égarer. Le fait de mentir et le fait d'égarer. Fayouzeyinul batil. Il va embellir le faux. Il va embellir le faux. Wayulabbisul haqqa bil batil. Il va mélanger le vrai et le faux. Wahakada antum taraun. Aimmat ad-dalal yulabbisuna 'ala an-nas. Wa yuzayyinuna al-batil. Et c'est de cette même façon que vous voyez les imams de l'égarement qui ils vont embrouiller les gens. Ils vont donc les tromper. Et ils vont embellir le faux. لِذَلِكَ قَدْ يُطْلِقُ عَلَيْهِمُ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُمْ دَجَاجِلَةٌ. Et c'est pour cela que vous pouvez entendre les savants parler des imams de l'égarement en disant que ce sont des دَجَاجِلَةٌ. فَالْعَالِمُ قَدْ يَكُولُ عَنْ رَجُلٍ ضَالٍ مُضِلٍ فُلَانٌ دَجَّالٌ. Et donc, le savant, il se peut qu'il dise d'un individu égaré, égareur, il se peut que le savant induise de lui un tel, c'est un Dajjal. Wa min dhalika al-hadith al-mashhur anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ghayru ad-dajjal akhwafuni ala ummati fa su'ila an dhalika fa qala al-a'immat al-mudillin. Et c'est donc de là il y a le hadith qui est très connu dans le recueil de l'imam Ahmed et Abu Daoud, et Tirmidhi, excusez-moi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a autre que le Dajjal qui me fait le plus peur vous concernant. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé concernant cette chose, qu'est-ce qui est autre que le Dajjal et qui te fait plus peur nous concernant? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, al-a'immat al-mudillin. Les imams de l'égarement, les imams égareurs. Wa qad ja'a aidan akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar fa su'ila anhu fa qala ar-riya. Et aussi, il a été rapporté de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui me fait le plus peur vous concernant est le polythéisme mineur. Le polythéisme mineur, il a parlé en s'adressant aux compagnons, il disait le polythéisme mineur. Ensuite, il fut interrogé concernant celui-ci, il a dit, Ar-riya, l'ostentation. L'ostentation. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى عليكم أن يبسط لكم في الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. Et dans l'autre hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم qui dit ce n'est pas la pauvreté qui me fait peur vous concernant. Cependant, ce qui me fait peur vous concernant, c'est que les délices de ce bas monde vous soient accordés en abondance. C'est alors que vous allez vous concurrencer. Vous allez vous concurrencer concernant ceci, donc ces délices du bas monde, de la même façon que les peuples précédents se sont concurrencés en cela. Et celle-ci, cette dunya, ce bas monde, vous mènera à la perdition de la même façon qu'il a mené les peuples d'avant vous à la perdition. Fa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hadhara ummatahu min umurin takunu fitnatan lahum. Yubtalawna biha. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde sa communauté contre plusieurs éléments qui sont des épreuves pour sa communauté. Ils sont éprouvés par ces choses. Wa min dhalikum qawluhu sallallahu alayhi wa sallam Ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali min fitnatin nisa. Et parmi ces éléments, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai laissé après moi aucune fitna qui soit plus dangereuse aux hommes que la fitna des femmes. Je n'ai laissé aucune fitna qui fait plus mal aux hommes que la fitna des femmes. Fayajibu alayna jami'an an nahdhara ashadd al-hadar min hadhihi al-umur allati hadharana minha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il nous est tous obligatoire de nous méfier de la plus grande des façons de toutes ces choses dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, toutes ces fitnas. Wa la yanbaghi lana an natasahala fi hadhihi al-umur. Il n'est pas convenable que nous soyons négligents concernant tous ces points. Wa fil hadith ahammiyatu hadha ad-du'a wa annahu la yanbaghi tarkuhu wa huwa min sunan as-salat. Il y a dans le hadith l'importance de cette invocation qu'on a citée et qu'il n'est pas convenable aux musulmans de délaisser cette invocation, elle est très importante. Et cette invocation fait partie des sunan de la prière. Wa fil hadith al-hathu 'ala at-ta'allum li'anna al-insan in lam ya'lam ma huwa wadih kayfa yafhamu ma huwa khafi. Il y a dans le hadith le fait de nous inciter à apprendre notre religion. Car si l'individu ne connaît pas ce qui est clair, comment va-t-il connaître ce qui est plus difficile et plus subtil? Comme vous l'avez constaté dans la dernière fitna qui est passée, le fitna de Moussa Fiqa, beaucoup de nos frères, les choses qui sont claires, claires, ne prends pas ta religion des inconnus. Non, tout le monde, on va prendre la religion de sites inconnus. Tu sais pas c'est qui le responsable. Ouais, mais c'est ilm shar'i, tout le monde connaît, etc. Quel tout le monde connaît? Qui est derrière le site? Tu sais pas. Ah, tiens, akhi, un hadith, hadith du jour. Qui est derrière? Allahu alam. Et d'autres encore sur les réseaux sociaux. Les gens vont prendre leur religion de n'importe qui. Et donc sur des choses wadiha comme ça, des choses qui sont claires comme ce genre de sujet, on n'a pas compris. Lorsque la fitna elle arrive, c'est normal qu'on ne comprenne pas. C'est normal. Si les choses évidentes, déjà on ne les comprend pas. Et donc c'est important. Après on me sort, ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Ya Allah, ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Qui a écrit le livre? Allahu alam. Mais c'est un livre que, mashallah, les frères salafi connaissent. Mashallah, mahdi tariqa. C'est quoi ce manhaj? C'est quoi ce manhaj? Si les choses claires, on les comprend pas, comment on veut comprendre? Lorsque les choses plus difficiles arrivent, lorsque les épreuves elles arrivent, il faut qu'on se réveille. Nahnu na'imun, on dort. Il faut qu'on se réveille, qu'on craigne concernant notre religion, qu'on apprenne. Les sujets clairs comme ça, c'est pas normal qu'on n'ait pas compris. Des gens 10 ans dans la salafia, ils ont toujours pas compris. Il faut qu'on se réveille. Wa kadhalika man kana la yafhamu al-fitan as-saghira aw as-sughra bi sabab al-ashyakh fayukhafu alayhi. De la même façon, celui qui ne comprend pas les petites fitnas ou les plus petites fitnas à cause des méchaïrs, il s'accroche aveuglément à son cheikh, il comprend pas les fitanes. Alors ce genre de personnes, on a peur les concernant, on a peur d'eux, on a peur pour eux concernant la fitna du Dajjal. C'est important qu'on apprenne notre religion, que c'est pas à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, il abisse le haq bil batil. Quelqu'un qui vient à chaque fois, qui mélange le faux et le vrai, et qu'on commence à trembler. La fitna du Dajjal, c'est une grosse fitna, il faut se préparer. Et donc, il est important pour te préparer d'apprendre ta religion. Ta'allam dinak. Apprends ta religion. Ne reste pas comme ça des années et des années. Tu suis le Coran et la Sunna. T'apprends pas la langue arabe. Ne reste pas comme ça. Apprends. Ta'allam. Lis le Coran. Wa ta'allam sunnah. Apprends la Sunna. C'est pas normal qu'on reste comme ça. Que tu te regardes en une année. Allez, on est en 2000 et quelques. 10 ans plus tard. T'as le même niveau. C'est pas normal. Il faut qu'on se réveille, les frères et sœurs. Il faut qu'on se réveille. On peut pas rester comme ça. Voilà. Donc, ces quelques mots que je voulais citer par rapport à ce hadith. Très important. Et cette invocation très très importante. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite. On continue donc demain pour l'explication de Umdat al-Ahkam. Wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيراً